Presse, extrait d'un article de Dejaucourt. On demande si la liberté de la presse est avantageuse ou préjudiciable à un État. La réponse n'est pas difficile. Il est de la plus grande importance de conserver cet usage dans tous les États fondés sur la liberté. Je dis plus, les inconvénients de cette liberté sont si peu considérables vis-à-vis de ses avantages que ce devrait être le droit commun de l'univers et qu'il est à propos de l'autoriser dans tous les gouvernements. Enfin, rien ne peut en multiplier les séditions et les libelles dans un pays où le gouvernement subsiste dans un état d'indépendance que de défendre cette impression non autorisée ou de donner à quelqu'un des pouvoirs illimités de punir tout ce qui lui déplaît. De telles concessions de pouvoir dans un pays libre deviendraient un attentat contre la liberté, de sorte qu'on peut assurer que cette liberté serait perdue dans la Grande-Bretagne, par exemple, au moment que les tentatives de la gêne de la presse réussiraient. Aussi, n'a-t-on garde d'établir cette espèce d'inquisition ?